veste, de faire chauffer la caisse. Ne me demande pas pourquoi je me casse, c'est pas que je n'ai pas envie de rester. J'ai des choses à faire, je suis dans l'urgence. Beaucoup de monde à voir et je suis en retard. Je file, on m'attend. Faut que je me pointe aux quatre coins de la ville en même temps. Si tu veux, rappelle-moi après. Ce n'est pas dit, on se reverra. Je ferai ce que je peux, mais je suis le rail. Et j'arrive à peine qu'il faut que je me taille. C'est ainsi, je manque de taille. Ah ah ah ah ah ah ah. Chercher mes soins dans le timing, jette un œil sur ta montre. Swatch ou Breitling, fais vite. J'ai pas le temps de confier en speed. J'ai plus de frein, tu sauteras en marche comme dans speed. Rendez-vous fixé à l'arrêt de bus, on fixe pendant que je débite ma carte à puce. Salut. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu cette puce. Nerveuse, excitée comme sous Red Bull. Yo mec, grappe, on trace sur la route, coûte que coûte. Mais la plage 5, il faut que t'écoutes. La sphère expérimentée, je trouve ça frais. Je te déposais pour la suite, on verra après. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p